aby dał chłód. Atmosphère de dingue, Corleone est dans la place. J'étais refait à la Carlos Slim, je nique encore la bonne basse. J'suis fait, refait, refrais. Quand j'suis fonce des jets, autant de grammes dans le sang que de la rue l'avait donné. C'est les rap pour les héros. J'ai la gifla quand t'as la putain de grosse bite à Rocco. C'est un haut style frère, j'vise la grande classe. J'kiffe mon bled, mais j'adhérerai plus à Las Vegas. Si j'me lève aux aurores, c'est pas pour rayer mes dents par terre. Togol, c'est que j'veux tacler le patog. J'suis plus au plancher. Trop sécor, les MC sont des tétacules. Ils vont droit vers le décor. La famille, les frères à la fois. Les valeurs ne doivent pas se perdre. Si tu veux pas te perdre toi-même, poteau. Qui n'a jamais voulu le gros lot. Passe une continente à Bentley à la place d'une Clio. Pétard le gros chèque mano avec plein de zéros. J'écris des rimes qui refroidissent. Appelle-moi Sub-Zero, Sub-Zero. Hey, un son qui fait tremper ta sonogarde. J'ai la plume qui fait tremper la plume. Fukushima, Shima, Fukushima. Le rap est mort, wesh. Fukushima.